paix soit avec vous. C'est la phrase, le refrain que Jésus reprend aujourd'hui. Combien de fois il le dit dans le texte? 3 fois. Quand on répète, c'est pourquoi? C'est parce que, d'une part, on se dit l'autre a peut-être pas compris. D'autre part, on répète d'habitude ce qui est important aussi. Et d'autre part, pour que tout fasse son effet jusqu'au bout. Donc, l'une des premières choses, hein, le texte, pour vous situer, il est dans l'évangile de Jean. Et lorsque ça dit le premier jour de la semaine, c'est-à-dire ces 2 jours, hein, Jésus a été crucifié le vendredi, le sabbat, il se passe rien, 2 nuits, et hop, nous sommes le premier jour de la semaine. Pour les Juifs, le premier jour, c'est celui qui suit le sabbat. Donc pour nous maintenant, ça correspond au dimanche. Donc c'est le premier dimanche, on pourrait dire, le premier jour de fête du Seigneur. Qu'est-ce que Jésus dit? En fait, il vient vers des disciples qui sont encore troublés et je dirais même plus traumatisés. Traumatisés du vendredi saint. De ce vendredi étonnant où Jésus s'est laissé mener à l'abattoir. Mais pourquoi, s'il est le roi des Juifs, les a-t-il laissé faire ça? Jésus avait dit, « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. » Et il avait dit, « Oui, il faut que le Fils de l'homme soit attrapé, qu'il souffre, qu'il meure, mais le 3e jour, il se relèvera. » Et ici, il accomplit ce qu'il avait annoncé. Et il avait dit dans le même évangile de Jean, la veille de sa mort, il avait dit, « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. » Mais ensuite, je reviendrai vers vous. Puis il dit, dans ce même discours donné le jeudi soir, il disait, vous vous attristez parce que je vous dis que vous ne me verrez plus. Mais c'est un peu comme les douleurs de l'accouchement. Il dit, lorsque vient le temps d'accoucher, il paraît que c'est pas très plaisant. Je sais pas, les mamans parmi nous pourraient témoigner, là, mais il paraît que ça fait mal. Mais on se doute bien que ça peut faire mal. Ni plaisant pour la maman, ni plaisant pour le bébé qui sort. Mais Jésus dit, hein, la femme sur le point d'accoucher s'attriste parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus des douleurs dans la joie qu'un homme soit venu au monde. Vendredi soir, je parlais à un couple qui ont reçu un petit enfant, un couple que je vais marier dans quelques semaines. Et imaginez, ça l'a pris plus que 24 heures de travail pour l'accouchement. Donc c'est un accouchement long, laborieux. Mais la maman a dit exactement ça. Mais elle a dit, ah, mais une fois que tu as le bébé dans les bras, pouf, c'est comme si on oubliait tout. Eh bien, c'est pareil. Aujourd'hui, on a le bébé dans les bras. C'est-à-dire que Jésus est relevé. C'est plus le temps de pleurer, c'est plus le temps de s'attrister. Un nouveau-né est sorti. Et Jésus, c'est le nouvel Adam, le nouveau-né sorti. Et il nous donne accès à nous-mêmes pour vivre une nouvelle naissance. Encore une fois, aujourd'hui, c'est un jour de fête. Vous savez, c'est le dimanche de la miséricorde. Peut-être vous ne le saviez pas, mais en tout cas, je vous le dis. C'est le dimanche de la miséricorde. C'est que Jésus est apparu à une sœur, une Polonaise, Faustine, et il lui a demandé que le dimanche après Pâques soit fêté sa miséricorde, soit fêté son amour qui aime par-dessus notre misère, son amour qui ne s'arrête pas à notre misère. Parce que le vendredi saint, au fond, c'est notre misère qui a mis Jésus en croix. Et c'est notre misère qui nous met en croix et qui met nos frères et sœurs en croix. Mais aujourd'hui, Jésus dit, Mon amour est encore plus fort que ça. Et je reviens, hein? Les disciples sont en plein mécanisme de défense, sont repliés sur eux-mêmes, les portes sont closes, ils ont peur, ils se sentent coupables certainement parce que Pierre a renié 3 fois, les autres l'ont lâché alors qu'il avait promis de rester. Donc, les sentiments intérieurs, le pouc, c'est plutôt en dessous de zéro. Mais Jésus vient pour les rétablir dans la paix. Mais quel est un fruit tout de suite de la paix que Jésus donne et de sa miséricorde? Qu'est-ce que les disciples, le texte dit, ils furent tout remplis de joie. Un des fruits de ce dimanche, c'est la joie. En plus du fruit de la paix, hein, qui sont les fruits de l'Esprit-Saint, un deuxième fruit, c'est celui de la joie. Dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, les versets 22, 23 et suivants, saint Paul énumère les fruits de l'Esprit-Saint. Il dit « Le fruit de l'Esprit est charité, joie, paix, longanimité. » Et un autre qui est nommé, c'est confiance dans les autres. Eh bien, c'est un autre fruit qui transparaît dans cet évangile, qui transparaît à la négative, au négatif au départ. Pourquoi? Parce qu'il y a donc, évidemment, les disciples sont remplis de paix, sont remplis de joie, mais il y a Thomas qui est pas là. Mais les disciples tout de suite remplissent leur mission que vient de leur confier Jésus. Il dit, allez, annoncer la bonne nouvelle de ma miséricorde au monde. Et les premiers à qui il le dit, c'est à qui? C'est à Thomas qui était pas là. Il dit, on a rencontré le Seigneur. Mais Thomas est pas capable de se réjouir. Il n'est pas capable d'entrer dans la joie de ses frères. Il est probablement lui-même encore traumatisé par le vendredi, par la souffrance. Puis il n'est pas capable de... Puis il dit, hein, certains vont dire, ben, il est comme moi, un peu un esprit scientifique. Hein. Quand on veut pas croire, on dit, ben moi j'ai un esprit scientifique. C'est la façon moderne de dire, je veux pas croire. Jésus a de la miséricorde même pour Thomas et même pour les esprits scientifiques. Vous savez, je fais une parenthèse sur l'esprit scientifique, vous savez qu'il y a plein de croyants et les plus grands croyants que la planète a portés ont été des scientifiques, hein, Einstein, Newton et d'autres. C'était des hommes de science et des hommes de Dieu. Encore une fois, il y en a plein d'autres aussi, de grands hommes. Donc, n'opposons pas trop vite cette fameuse esprit scientifique. Mais revenons à Thomas et à la miséricorde de Jésus. Jésus ne s'arrête pas à nos résistances. Jésus ne s'arrête pas à nos doutes. Et même si nous, on a fermé la porte, mais lui, il choisit quand même de venir vers nous. Et qu'est-ce qu'il dit? La même chose. Pour la troisième fois, il va répéter « La paix soit avec vous ». Et là, Thomas est là. Et Jésus vient dire à Thomas « La paix soit avec toi ». Et tout de suite, il s'adresse à lui. Puis il dit, hein, il est venu pour une chose la deuxième fois. D'une part, peut-être pour rappeler aux autres, c'est peut-être pas pire de vous rassembler le dimanche. Hein, il est en train d'instaurer l'habitude de se rassembler le dimanche. Mais il est venu spécialement parce qu'il aime Thomas. Il le voit replié dans sa blessure, puis il dit, reste pas replié dans ta blessure, dans ton incrédulité. Il dit, allez, mets tes mains, mets ton doigt dans mes plaies, mets ta main dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. On s'imagine la tête de Thomas, hein, qui devait se sentir mal, être content par ailleurs. Être content. Et je pense que c'est le sentiment qui devrait finalement dominer pour nous aujourd'hui. C'est-à-dire que malgré toutes nos lenteurs, nos lourdeurs, nos repliements, eh bien se réjouir que Jésus vient quand même vers moi et vers vous ce soir. Encore une fois, dans le psaume, on disait « Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. » Jour de fête et de joie. Demandons à Dieu que ce soit réel. Vous voyez l'image qui est là, hein, ici devant, là, vous êtes assis, vous la voyez près de Saint Thomas. Alors, c'est l'image que Jésus a demandé à Sœur Faustine de peindre, de faire peindre, pour que les gens s'approchent de lui. Et vous voyez de son cœur, de son côté transpercé, jaillissent deux rayons, hein, qui est rouge et blanc, qui signifient un peu les eaux de l'Eucharistie aussi, son sang et les eaux du baptême par lesquelles il nous purifie. Et l'une des choses que Jésus a demandé à Sœur Faustine, c'est de dire au monde d'avoir confiance en Dieu. L'une des choses qui blesse le plus le Seigneur, c'est qu'à un moment donné, on se décourage, puis on se décourage même de la patience de Dieu et de sa bonté. Et donc, à ce moment-là, Dieu peut moins nous aider. Mais il a dit à Sœur Faustine, demande aux gens de répéter cette prière toute simple. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Il disait à Sœur Faustine, si les gens ont une petite confiance, si toi, Faustine, tu as une petite confiance, c'est comme si tu me laisses juste une toute petite embouchure pour puiser à l'océan de grâce que je veux te donner. Mais si tu as une grande confiance, c'est comme si tu puisais à l'océan de ma miséricorde avec un gros seau. Et là, waouh, tu es rempli de ma grâce. Donc, au fond, notre confiance, demandons à Dieu aujourd'hui de l'élargir. Et la confiance est parente avec cette foi en Dieu. Seigneur, je peux dire, je comprends pas tout, mais je comprends quelque chose. Et même ma raison, même me dit, oui, je peux te suivre. Oui, je peux te faire confiance. Oui, tu m'aimes et tu peux me relever, me sortir de tous mes repliements. Eh bien, je nous invite en ce jour de fête de sa miséricorde. Oui, Seigneur, on se tourne vers toi et cette semaine, nous voulons répéter cette phrase, Jésus, j'ai confiance en toi. Mais dès aujourd'hui, nous voulons la répéter et même aussi chanter ensemble notre confiance et notre offrande à toi. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, porter au monde ton feu. Voici l'offrande de Dieu.